Alors qu'Arte a débuté hier la diffusion des trois premiers épisodes de la série Vietnam de Ken Burns et de Lynn Novick, nous poursuivons de notre côté notre semaine sur cette guerre démesurée que fut la guerre du Vietnam. Ce matin, nous allons nous demander comment le cinéma et la télévision américaine ont, après le traumatisme de la défaite et ce qu'on a appelé la fin de l'innocence, intégré la guerre du Vietnam dans leur répertoire dramatique. Avec Anaïs Kien, qui a préparé toute cette semaine avec nous, nous allons cheminer de la série Magnum à Un voyage au bout de l'enfer, de Rambo à Cold Case, affaire classée, à travers des figures de style, l'héroïsme, la trahison, la lâcheté, le dégoût, qui peuplent ces images fictionnées de cette guerre. Nous le ferons en compagnie de Marjolaine Boutet, maîtresse de conférences à l'université de Picardie-Jules Verne et spécialiste de la représentation de la guerre au cinéma. Vas-y, vas-y, fils de pute, filez le drame. Rambo, ne fais pas ça! Écoute-moi. Tu n'as aucune chance. Lâche ton arme. Je vais faire venir l'hélicoptère pour te ramener à Brague. Cessez le feu! L'immeuble est entièrement encerclé. Aucune issue. Il y a près de 200 hommes dehors avec des M16. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour déclencher ta petite guerre. Cette mission est terminée. Regarde ces types dehors. Si tu n'arrêtes pas maintenant, ils vont te tuer. C'est ça que tu veux. C'est terminé, Johnny. C'est terminé! Rien n'est terminé! Rien! Tout continue à cause de vous! C'était pas ma guerre! C'est vous qui m'avez appelé, pas moi! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. J'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport, me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Qui sont-ils pour me faire des prochains? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place, en pleine jungle? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé, maintenant. Pour vous? Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Guardian Parking! Ah! Oh, Dieu. Où ils sont tous? Où ils sont? Voilà, on aura reconnu un extrait de la version française, précisons-le, du film Rambo de Ted Kotcheff, un film de 1982. Bonjour Anaïs Kien. Bonjour. Et bonjour à vous Marjolaine Boutet. Bonjour. Un film qui rentre dans le corpus que vous vous êtes donné pour réfléchir à la question de la guerre au cinéma et plus particulièrement de la place de la guerre du Vietnam dans le cinéma et les séries américaines dont vous êtes spécialiste. En l'occurrence, on voit deltoïdes et pectoraux dehors dans ce film John Rambo, donc ancien de la guerre du Vietnam, qui mène, comme le dit son supérieur, sa petite guerre de son côté parce qu'il ne sait pas se réintégrer dans la société américaine. C'est un film de 1982 dont vous dites qu'il est symptomatique d'une nouvelle vision de la guerre du Vietnam, sur laquelle on reviendra dans notre émission d'aujourd'hui, qui est cette vision d'une Amérique qui n'a plus peur d'affronter la question de la guerre du Vietnam et en particulier le retour des vétérans, parce que nous sommes au moment où arrive au pouvoir Ronald Reagan et où America's Back. C'est surtout un film de basculement. America's Back, ce sera dans Rambo 2 et 3, parce que là, ce qui est intéressant dans cette scène en particulier, c'est que, oui, Sylvester Stallone, bodybuildé, qui vient de mener un combat contre une ville entière, surtout là, il est en train de pleurer. Et donc, on a une figure très intéressante de ce que Suzanne Jeffords a appelé la démasculinisation ou dévirilisation de l'Amérique au moment de la guerre du Vietnam, parce que l'Amérique a perdu. Et tout l'enjeu du sergent Trotman à la fin dans cette scène, et tout l'enjeu de Rambo 2 et 3 va être de remasculiniser John Rambo, de lui redonner fierté, virilité, et de l'emmener gagner à lui tout seul une guerre au Cambodge, puis en Afghanistan. Mais dans ce premier film, et c'est pour ça que c'est un film tellement intéressant, parce que c'est vraiment un film de transition, dans ce film-là, il exprime son traumatisme et il exprime sa peine et ses émotions par des pleurs. Enfin, on n'a pas évidemment les images, mais on entend ses sanglots. On entend bien. On entend bien les sanglots, et c'est extrêmement frappant, voilà, de voir ce bon sauvage en train de pleurer. Anaïs Kien. On va peut-être remonter un petit peu le temps. On voulait ouvrir cette émission avec Rambo pour l'aspect emblématique de ce film et l'icône que représente Sylvester Stallone pleurant sur lui-même au milieu des débris de verre dans cette scène finale de Rambo. Mais la guerre du Vietnam, c'est une guerre d'une certaine façon saturée d'images d'actualité. C'est une guerre de salon, on a pu lire ça, Marjolaine Boutet. Il est donc difficile de produire des fictions pendant cette guerre elle-même. Elles arriveront finalement très tard. Oui, c'est une guerre très particulière au niveau de la fiction, parce que c'est sans doute la seule guerre dans laquelle les images allaient contre la narration du gouvernement. Et quand on visite par exemple le musée de l'histoire américaine à Washington, donc leur musée d'histoire nationale, la première salle qui introduit le moment de la guerre du Vietnam, c'est un canapé face à des dizaines d'écrans de télévision sur lesquels défilent des images d'actualité. Et donc, pour les Américains, cette guerre, c'est vraiment cette guerre de salon qui est entrée chez eux par des chaînes de télévision privées qui n'étaient pas contrôlées par le gouvernement, parce que les États-Unis n'avaient pas déclaré la guerre au Vietnam et donc ne pouvaient pas mettre en place de système de censure comme pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale et même la Corée. Oui, les reporters sont partout. Les reporters sont partout. Il y a des vols commerciaux vers le Vietnam. Et puis, et la petite caméra Bell & Well permet à chacun de filmer la guerre. On peut filmer en très très gros plan, et encore une fois, il y a cet impact de la télévision qui montre ces images de soldats qui ont 18 ans, qui pleurent, qui sont fatigués, qui ont mal, qui en ont marre. Et évidemment, tout ça va à l'encontre de l'image du héros, de même qu'on voit les Vietnamiens qui ne sont pas des communistes au couteau entre les dents et qui sont des paysans qui essayent de vivre. Alors, il y a tout de même quelques images de fiction qui sont produites pendant la guerre elle-même, et en particulier un film qui n'est pas sans rappeler. D'ailleurs, la figure de John Wayne pourrait être reprise par Sylvester Stallone dans Rambo 2, qui n'est pas sans rappeler justement l'héroïsme américain et la façon dont on construit par le cinéma. C'est le western de la guerre du Vietnam. Vous parlez des bérets verts, Emmanuel, qui se passe pour le coup pendant la guerre. Le film sort en 1968, année éminemment tragique pour la guerre du Vietnam, puisque c'est l'année des grands massacres, c'est l'année de l'offensive du Tet, c'est l'année du scandale d'ailleurs autour de l'éradication de certains villages par les GIs, et donc les bérets verts avec John Wayne, c'est-à-dire le western américain revu et corrigé à la sauce vietnamienne. Les Bouchard, tu savais que ça pouvait arriver un jour, non? Oui, mais je voulais pas que ça arrive. Aucun de nous ne le voulait. Mais est-ce que mon Peterson a été brave? Il a été très très brave. Et toi aussi, tu seras brave. J'essaierai de l'être. Je suis sûr que tu le seras. Et je suis persuadé que ton Peterson aurait voulu que tu aies son béret. Mais qu'est-ce que je vais devenir moi maintenant? C'est à moi de m'occuper de cette question, béret vert. En somme, nous sommes là pour ça. Alors, Un extrait donc du film Les Bérets Verts, 1968, avec John Wayne dans le rôle principal. Une scène, disons, de fraternisation, c'est comme ça qu'on pourrait appeler ça? C'est une fin hollywoodienne, en plus ça se passe sur une plage au soleil couchant, évidemment, avec la musique hollywoodienne. Donc là c'est la fin du film, ce qu'on entend c'est John Wayne, qui est donc l'acteur principal et le réalisateur du film, parce qu'il croyait vraiment à ce projet. Donc John Wayne, qui a bien 70 ans, je pense, au moment du film, dans cette figure de grand-père, qui va voir ce petit garçon, qui est un des héros du film, qui doit avoir environ 8 ans, qui s'était attaché à un autre soldat, donc le fameux Peter San dont il parle, qui lui servait en quelque sorte de père. Le Peter San est mort à la guerre, évidemment, de façon héroïque. Et une image qui est tellement coloniale du grand-père ou du grand-frère américain pour sur le coup. Sur une plage, le soleil couchant. Sur une plage au soleil couchant avec la musique hollywoodienne, matinée de petites sitars pour faire asiatique, lui explique que ce n'est pas à l'enfant de se soucier de son avenir, mais le grand-frère américain va s'en soucier pour lui. Et se battre pour lui. Évidemment, en 1968, quand on a vu l'offensive du Tet pratiquement en direct à la télévision, quand on a vu... Et donc, rappelons-le, une offensive donc nord-vietnamienne avec le soutien aux troupes sud-vietnamiennes proches du Vietnam du Nord, donc, et qui échoue aux portes, pourrait-on dire, de Saïgon et des grandes villes du Sud-Vietnam, et qui est un échec, mais qui fait très très peur à tous les soldats américains présents sur le territoire. Oui, c'est une offensive coordonnée dans laquelle les Viet Cong et Viet Minh attaquent donc toutes les villes américaines que les Américains prétendaient contrôler, et notamment ils attaquent l'ambassade américaine à Saïgon. Et puis les combats les plus forts auront lieu à Hue. Et Walter Cronkite, qui est le présentateur vraiment référent, voilà, le grand-père de l'Amérique. Le grand-père de l'Amérique, celui qui a pleuré en annonçant la mort de Kennedy, bref, une figure paternelle auquel les Américains s'identifient, se rend à Hue et dit lui-même, face caméra, que les Américains ne pourront pas gagner cette guerre et qu'il faut arrêter. Et là, à partir de là, l'opinion américaine bascule, et les médias avec, évidemment, parce que la télévision suit l'opinion américaine et désormais va dénoncer la guerre. Anaïs Kien. Et d'ailleurs, ce film de John Wayne, Les Bérets Verts, sera très mal reçu par la critique, mais par l'opinion de manière générale. Oui, la critique va détruire évidemment le film et tous ces codes hollywoodiens qui ne sont plus possible à partir de la guerre du Vietnam, aussi parce que la société américaine est en train de changer, parce que les baby-boomers arrivent à l'âge adulte, et c'est précisément presque un des derniers films de studio avant l'arrivée du nouvel Hollywood dans les années 70. Alors ce nouvel Hollywood, évidemment, va raconter une autre histoire. On sait par les travaux, par exemple, de Jean-Baptiste Torré, combien ce nouvel Hollywood a été marqué par l'assassinat de Kennedy, combien tous les réalisateurs qui vont avoir du succès dans les années 70 et 80, que ce soit Scorsese et les autres, vont avoir vu à l'école de cinéma de UCLA le crâne de Kennedy en train d'exploser sous les balles de son tueur à Dallas, et que cette violence faite au président américain et donc à l'élection américaine va nourrir leur cinéma dans les années 70. Vous dites, Marjolaine Boutet, que le cinéma des années 70 qui reprend tranquillement, pourrait-on dire, ces questions de guerre du Vietnam, alors qu'elle n'est pas encore totalement terminée, est un cinéma qui montre que l'Amérique est folle du Vietnam. Folle dans le sens, elle est devenue folle. Oui, je crois qu'il y a eu un vrai emballement à la fois du côté de ceux qui soutenaient la guerre et qui ont sont lancés dans une escalade de la violence au niveau militaire en envoyant de plus en plus de troupes, mais il y a eu aussi du côté des pacifistes et des militants un basculement des protestations de masse et du pacifisme pour certains dans les années 70 qui sont allés jusqu'au terrorisme et à poser des bombes dans les lieux de recrutement. Donc il y a eu un vrai emballement des deux côtés, et l'Amérique n'est pas un pays qui aime se sentir divisé. Les deux moments qui posent problème dans l'histoire américaine, c'est la guerre de sécession au XIXe siècle et qui revient encore beaucoup aujourd'hui, et puis la guerre du Vietnam, qui est un moment de division à l'intérieur des familles et dont l'Amérique va mettre 10-15 ans à se remettre. Anaïs Kien. Et dans ces années 70, la guerre du Vietnam, qui s'ouvre par tous les ports de cette société américaine, pourtant ne trouve pas d'expression, ou très peu, au cinéma, à la télévision, à quelques exceptions près. Le film MASH de Robert Altman, qui est une comédie, donc là, c'est la thérapie par le rire, surtout pas d'analyse au premier degré de ce traumatisme, et parallèlement, d'autres films qui évoquent, mais qui évoquent vraiment au détour de leurs propos, ce traumatisme qu'il va falloir attendre les années 80 pour pouvoir un petit peu disséquer. Je pense notamment à Taxi Driver, dont on va écouter un extrait juste après. Marjolaine Boutet, sur ce point. Oui, sur surtout MASH, ça se passe pendant la guerre de Corée. Et en fait, le cinéma des années 70 est traversé par la guerre du Vietnam, mais sous le thème de la métaphore, on peut même dire que Les Dents de la Mer, c'est en quelque sorte le traumatisme vietnamien qui vient hanter cette société hédoniste américaine qui est sur la plage. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut voir dans ce cinéma. Harry, tu veux y aller? Alors, Bickel, pourquoi vous voulez faire le taxi? Je dors pas la nuit. Faut aller voir les films porno. Ça aussi, j'ai essayé. Ici 347. Qu'est-ce que vous faites actuellement? Bon, je passe la nuit dehors, je me balade dans le métro, les bus, alors je me suis dit, bon, rôder pour rôder, mieux vaut être payé pour ça. Vous feriez la grande banlieue et le Bronx, Harlem? N'importe quoi, n'importe quand. Même pendant les fêtes juives? J'ai dit n'importe quoi, n'importe quand. Bon, alors faites voir votre licence de chauffeur. 347, 347, je suis libre, 347. Et votre dossier conducteur? Il est net, 347, je répète, clair et net, comme ma conscience. Vous voulez me mettre en boîte? Ce qu'il y a de moche avec les types comme vous, c'est qu'ils veulent tout le temps me mettre en boîte. Alors si vous êtes là pour me mettre en boîte, vous gênez pas, la porte est grande ouverte. Non, je m'excuse, j'ai dit ça comme ça. État de santé? Correct. Quel âge? 26 ans. Instruction? J'en ai un peu. De ci, de là, quoi. Harry! Hé! Hey, Harry! Position militaire. Bon et loyaux service. Mai 1973. Vous étiez dans quelle arme? Marines. J'étais dans les Marines, moi aussi. Alors, en fin de compte, tu veux du travail en noir? De la perruque, hein? Ah non! Je veux simplement faire la journée continue. La perruque, c'est quoi? Bon, écoute, remplis ce formulaire et reviens demain au changement d'équipe. Bon, c'est bien joli tout ça, alors qu'est-ce que je fous, moi? Eh ben, tu vas directement dans la 58e. Ça bouge dans la 57e. Voilà, un extrait de Taxi Driver dans sa version française. Évidemment, tout le monde l'aura reconnu, ce film. Un film qui participe justement de ce nouvel Hollywood. Taxi Driver, c'est Martin Scorsese. Il y aura ensuite Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino en 1978. Ça, c'est 76 pour Taxi Driver. Et Apocalypse Now, évidemment, l'immense film de Francis Ford Coppola en 1979. Là, ce sont trois réalisateurs de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, d'une génération plus récente, qui démonte, pourrait-on dire, Michael Cimino démontera un autre mythe du cinéma américain, c'est-à-dire le western, un tout petit peu plus tard avec Les Portes du Paradis, qui démonte la mythologie américaine, Marjolaine Boutet. Je crois surtout qu'ils s'emparent de la guerre du Vietnam pour parler de leurs obsessions. Pour Scorsese, c'est la violence urbaine qui... Oui, c'est compliqué de mettre les trois films dans un même mouvement quand même. On n'est pas du tout au même moment de l'histoire du cinéma et du traitement de la guerre du Vietnam par le cinéma. Alors, on est à 3 ans d'écart entre 76 et 79. Mais ce qui est intéressant dans ce nouvel Hollywood, c'est finalement que ces réalisateurs américains, et ça c'est totalement nouveau pour eux, se revendiquent en tant qu'auteurs, en citant d'ailleurs la Nouvelle Vague comme inspiration majeure. Donc, effectivement, ces trois réalisateurs ne font pas le même cinéma, ils ne le font pas pour les mêmes raisons, mais c'est ça qui est absolument nouveau, c'est qu'ils se revendiquent en tant qu'auteurs et ils font des choses qu'on n'a jamais vues. Cette violence dans Taxi Driver qui vaudra à Scorsese la Palme d'Or en 79. Alors, peut-être préciser 76, que cette scène, donc, c'est vraiment la scène d'ouverture. C'est et la après, scène d'ouverture. Après cette scène-là, il ne sera plus question de la guerre du Vietnam, ou très peu. La guerre du Vietnam ne sera plus mentionnée en tant que telle, mais il est évident pour un téléspectateur, pour un spectateur américain en 76, que c'est un traumatisé de la guerre du Vietnam, parce que cette figure de l'ancien combattant traumatisé, plus ou moins drogué, même si dans Taxi Driver, il lutte contre les barons de la drogue, enfin bref, elle... elle insuffle toute la télévision américaine où les méchants dans les séries sont régulièrement des drogués, des anciens combattants drogués qui reviennent du Vietnam, etc. Il y a les séries B de Billy Jack qui montrent aussi un ancien combattant traumatisé qui va casser la gueule à différents groupes américains racistes en général. Billy Jack, d'ailleurs, c'est une série qui a peut-être mal voyagé à travers le monde, qui est plus connue aux États-Unis qu'ailleurs, hein, mais c'est une série qui a connu un nombre d'épisodes. Oui, c'est des films de série B où le but c'est la castagne, c'est l'ancêtre de Chuck Norris. Et ce qui est intéressant dans ce Billy Jack, c'est qu'il a des origines amérindiennes et on peut en retrouver une résurgence dans la saison 2 de Fargo. Mais bon, bref, pour revenir, vraiment, cette violence du cinéma américain des années 70 ne peut s'expliquer que par la violence du cinéma, la violence de la télévision américaine pendant la guerre du Vietnam, qui a montré cette violence, parce que vous parlez du crâne de Kennedy qui explose, mais ça c'est un film en Super 8 qui ne sera montré que beaucoup plus tard. Oui. Les crânes qui explosent, ce sont ceux des Vietnamiens, les cadavres que l'on voit passer donc dans leur sac noir aux heures de grande écoute, sont des choses qui vont profondément traumatiser le public américain et en même temps l'habituer à une violence plus graphique qu'on voit dans tous les films de guerre des années 70, pas seulement ceux de la guerre du Vietnam. Anaïs Kien. Ce qu'on voit bien aussi peut-être dans ces années 70, c'est cette figure de vétéran qui n'est incapable de réintégrer la société américaine, qui n'a pas encore été digéré par la société américaine. Il est monstrueux, il est errant, c'est quelqu'un qui ne dort pas la nuit, qui se promène dans les rues aux heures les plus sombres, qui finalement figure le levier de tout ce qui pourrait arriver de tragique sur le sol américain lui-même. Oui, puis c'est surtout ce qu'on peut appeler un revenant. C'est quelqu'un qui n'est pas mort à la guerre, donc c'est pas un héros, c'est pas quelqu'un qu'on peut pleurer, il est là, il revient. Et il revient dans une société américaine qu'il ne comprend plus parce que la société américaine dans les années 60-70, elle est totalement bouleversée par la libération sexuelle, par le mouvement hippie, par le féminisme, les luttes contre les discriminations, etc. Et donc, dans ce bouleversement, l'ancien combattant du Vietnam est le bouc émissaire rêvé de tous les maux de la société, de tout ce qu'on ne veut pas voir. Pour tous ceux qui étaient devant leur poste de télévision au début des années 80, évidemment, il s'agit du générique de la série Magnum pour CBS à partir de 1980 avec Tom Selleck dans le rôle principal et sa moustache d'abord. Et il y a là aussi une particularité, c'est l'usage d'une technologie très particulière qu'on a vu aussi dans un grand film, à savoir Apocalypse Now, dont on ne parlera pas directement, mais en 1979, à savoir l'hélicoptère qui rentre dans la série Magnum d'une manière un peu particulière. Vous parliez des vétérans, ce sont des vétérans. Ce sont des vétérans. Magnum et ses deux meilleurs amis ont fait le Vietnam. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est au Vietnam que leur amitié s'est soudée. Et c'est finalement une série américaine très classique, dans la mesure où c'est leur amitié qui va leur permettre de résoudre des énigmes, en général très très légères. Tout ça se passe à Hawaï. Mais ce qui est très intéressant dans Magnum et finalement très subversif, c'est que cet ancien combattant du Vietnam revient de la guerre avec les vraies valeurs américaines et qu'il va mettre au service d'une société hawaïenne qui, elle, a été troublée par le libéralisme, la libéralisation des mœurs des années 60 et 70. Et donc, il y a un discours très néoconservateur dans Magnum où on rappelle aux Américains quelles sont les vraies valeurs. Et puis finalement, Magnum lui-même, qui au début de la série donc vient de démissionner de l'armée parce qu'il a été déçu par la défaite au Vietnam, c'est pas dit comme ça, mais c'est tout à fait compréhensible, au bout de 8 saisons, réintègre l'armée, devient un père, un mari et arrête les shorts, les chemises hawaïennes. Et les jeunes femmes sur les plages d'Hawaï. Alors justement, vous parlez de plage, Emmanuel, mais c'est ce décor de Magnum aussi peut-être qui a frappé, en dehors de sa collection incroyable de shorts. Et de chemises. Ce décor tout à fait exotique, il est en permanence sur une plage et en permanence en train finalement de fuir ses fantômes, puisque les scènes, alors que c'est une série relativement comique, on voit ces trois hommes post-adolescents, perpétuellement à la recherche de divertissement finalement, saisis parfois par des moments tout à fait tragiques où ils revivent ces moments de guerre, ces moments dans la jungle qui sont réincarnés dans le décor hawaïen lui-même. Tout à fait. Et puis, ce qui est très intéressant avec Hawaï, c'est qu'ils sont littéralement à mi-chemin entre le Vietnam et les États-Unis, et que il y a une très forte communauté asiatique à Hawaï. Et pour revenir sur ce rejeu de la guerre du Vietnam, il y a même un moment où Magnum, ses trois copains et sa figure paternelle de substitution, Higgins, vont au Cambodge pour sauver une figure qui pourrait ressembler à Jean Moulin, le chef de la résistance locale. Et donc, bref, ils vont finir le boulot grâce à leur amitié et avec cette idée très néoconservatrice que si on laisse les individus se débrouiller tout seuls et qu'on met pas de l'État et de la politique et des institutions là-dedans, tout ira mieux. Oui, c'est ce que vous expliquez, Marjolaine Boutet, en analysant ces séries américaines des années 80. C'est, vous dites, elles sont le symbole de ce qui est l'important aux yeux en particulier d'une Amérique réaganienne, l'importance du combat pour la liberté, c'est-à-dire on est les porteurs de la liberté. Et là, il y a le renversement du stigmate d'une certaine façon, c'est-à-dire que le vétéran n'est plus celui qui porte la culpabilité de la défaite, mais c'est celui qui a réussi à survivre à une guerre extrêmement dure et qui, par ailleurs, va justement réincarner la question de la liberté. Oui, tout à fait. Le grand enjeu des années 80, c'est faire rentrer la guerre du Vietnam dans le récit national américain, qui est forcément un discours de victoire et de vers le mieux, et de finalement, cette guerre du Vietnam devient une épreuve dont l'Amérique serait sortie grandie. Une épreuve parmi d'autres, finalement. Une épreuve parmi d'autres, et ces anciens combattants deviennent des martyrs. Et à partir du moment où on fait d'eux des martyrs, du coup, après, on peut faire d'eux des héros. Et par conséquent, réconcilier l'Amérique avec ce moment très compliqué pour elle. Alors, vous avez regardé de très nombreuses séries américaines de ces années-là et d'autres séries plus récentes encore. Marjolaine Boutet, vous avez regardé L'Enfer du Devoir, qui est une série de 1987 qu'on ne connaît pas très bien en France. Au moment où je ne m'en souviens pas du tout. Et d'une autre série qu'on ne peut pas connaître qui s'appelle China Beach, un extrait du générique de China Beach. Through the mirror of my mind, time after time, I see reflections of you and me. Reflections of the way life used to be. Reflections of the love you took from me. Oh, I'm all alone now. No love to shield me. Donc ce générique de China Beach, un générique très féminin pour une série féminine. Une série qui reprend le dispositif du film puis de la série MASH, puisqu'il s'agit d'un hôpital de campagne, mais les héros sont exclusivement des femmes, les héroïnes de premier plan. Et cette série, qui va durer 3 ou 4 saisons, hein, je vais m'écouter, je crois, inaugure aussi peut-être une nouvelle façon d'évoquer cette guerre du Vietnam, c'est-à-dire parler de l'arrière. Avec cet arrière du milieu qui est un arrière directement en contact avec le front, en contact avec les blessés qui reviennent et qui ont nécessité de se faire soigner immédiatement, mais une introduction de cet arrière qui, malgré tout, a un certain recul pour pointer les dysfonctionnements et mettre en valeur peut-être certaines critiques vis-à-vis du fonctionnement de cette armée dans cette guerre qui sont en train de perdre. Oui, c'est, alors il faut... China Beach ne peut se comprendre qu'en regard de L'Enfer du Devoir, parce que c'est vraiment la réponse de ABC à CBS. Donc, L'Enfer du Devoir, première série qui parle sans métaphore de la guerre du Vietnam, qui montre des soldats qui se donc se battent au Vietnam. Alors, c'est une série très classique des années 80, où vous avez un groupe de soldats dans lequel vous avez des Noirs, des Latinos, un type du Middle West, le lieutenant est un juif de New York. Enfin bref, vraiment le melting pot américain, qui évidemment vont devenir une vraie famille et à la fin de chaque épisode vont résoudre, toujours pareil, grâce à leur amitié et à leurs valeurs traditionnelles, la camaraderie le problème militaire. De la drogue, le problème de la corruption, le problème de, enfin voilà, des Vietnamiens qui sont pas très très contents, mais finalement on leur dit que bref. D'ailleurs, vous notez qu'il y a assez peu de drogue, assez peu de sang, que les négociations ont été féroces sur la façon de montrer des blessés. Oui, alors on montre très peu. C'est la violence pour les enfants, c'est-à-dire que par exemple, on montre les corps qui sont soulevés par une explosion. Ça, on peut les montrer, mais on ne montre pas quand ils sont quand ils retombent au sol. On voit très très peu d'ennemis vietnamiens. Bref, tout ça est très aseptisé. Pour revenir à China Beach, qui est quand même nettement plus intéressante. Donc du coup, face à ce récit de guerre extrêmement classique, China Beach va prendre le parti pris de parler des femmes, de parler de la guerre du point de vue des femmes, et puis de montrer des anciens combattants blessés, traumatisés, puisque ça se passe à la fois dans un hôpital et dans un lieu de permission sur la plage de Da Nang. Et puis enfin, cette troisième saison, qui à mes yeux est la plus intéressante, d'abord parce qu'elle est interrompue par la guerre du Golfe, et on y reviendra, qui est quand même le vrai moment où l'Amérique se réconcilie avec la guerre et avec son histoire. Donc troisième saison en 1991, hein, pour cette troisième saison en 1991, suit les personnages de retour aux États-Unis, et ce que dit le générique, donc Reflections of the Life That Used to Be, donc on se rappelle de la façon dont on vivait avant. Et finalement, on est dans la nostalgie de ce moment de guerre qui est, et là on retrouve un discours assez néoconservateur, le moment où tout était simple parce qu'on était ensemble, parce que on affrontait les épreuves ensemble grâce à l'amitié. C'était dur, mais on était des frères d'armes. Alors que maintenant qu'on est de retour dans la société civile, on est tout seul. Là, ils sont de retour dans les années 80, 90. Enfin, c'est vraiment contemporain. On est tout seul, plus personne ne nous comprend, si les Américains se souvenaient un peu plus de la guerre du Vietnam, peut-être qu'ils seraient meilleurs. Voilà, donc c'est quand même une révision de l'histoire tout à fait fascinante. Ce qui est très intéressant dans votre travail, Marjolaine Boutet, je rappelle que vous êtes spécialiste de cette histoire du cinéma et des séries, surtout américaines, mais pas simplement, puisque vous avez travaillé aussi sur une série très célèbre en France, Un village français, sur la représentation de la guerre à la télévision, c'est qu'il y a quand même des discours qui sont parallèles, qui ne sont pas forcément convergents, parce que tout compte fait, il y a une petite dizaine d'années entre China Beach, dont vous parlez, cette série qui commence en 1988 à la télévision américaine, et des films comme Apocalypse Now, Le Voyage au bout de l'enfer, qui ne racontent pas la même chose, et qu'en même temps, ou presque en même temps, il y a la série MIA des films de Chuck Norris, Missing in Action, qui raconte là aussi l'héroïsme, la façon, dans la lignée de Rambo, comment on peut reconquérir la liberté, et comment on peut être un conquérant de la liberté, même après la guerre du Vietnam. Donc des discours qui sont concurrents, concomitants, mais qui sont parfois parallèles, pourrait-on oui, dire. Mais notamment, le film très important aussi des années 80, c'est Platoon d'Oliver Stone en 86, qui est celui qui autorise le retour des séries télé sur le petit écran. Platoon, qui là encore change le discours, fait vraiment de l'ancien combattant le martyr. Enfin, la mort du sergent Elias, qui est un des grands moments du cinéma. Il a les bras en croix avec cette musique classique. Enfin, c'est vraiment christique. En plus, enfin, c'est Willem Dafoe qui a le physique pour ça. Donc, on est dans un discours qui s'éloigne de la politique, vu comme facteur de division de la population américaine, pour un retour à l'intime. Et ça, c'est classique du discours hollywoodien. On va pas parler de politique, on va pas parler de choses abstraites, on va parler de l'individu, de ses souffrances et en se resserrant sur le plus petit dénominateur commun de l'humanité, on va retrouver du lien social et de l'union. Alors, vous avez regardé beaucoup d'images de cette guerre du Vietnam depuis quelques jours, Anaïs Kien, et parmi ces images, il y a un film que je n'attendais pas, parce que d'ailleurs je ne l'ai pas vu au moment de sa sortie, ni depuis d'ailleurs, c'est... Parce que vous n'alliez pas à la fête du cinéma en 1994, Emmanuel Laurentin. Non, c'est sûrement pas. C'est, ouais. Et alors, si cela avait été votre cas, vous auriez vu Forrest Gump. Voilà. C'était mon cas, voilà. En l'occurrence. Et donc, Forrest Gump, cette figure de l'handicapé, c'est-à-dire que même handicapé, un Américain peut s'en sortir à partir du moment où il embrasse les valeurs américaines proposées par ce consensus régagnant des années 80. Et donc Forrest Gump qui sera champion olympique, champion, un athlète champion de course, pêcheur de crevettes, sera également un soldat dans la meilleure des traditions américaines, un soldat qui sera parfaitement heureux en tant que soldat et qui arrivera au bout de son devoir. Et donc Forrest Gump raconte à quel point son expérience dans l'armée américaine en tant que Jays ou en tant que Marines, je ne sais plus, sera finalement très heureuse. Forrest, je suis si fière de toi. Attends, je vais te dire ça. Félicitations, mon garçon. Est-ce que tu as déjà réfléchi à ton avenir ? Réfléchi ? Bonjour, je m'appelle Forrest Gump. Tout le monde s'en tape le coquillard de ton blase, couille molle ! T'es même pas digne de me lécher mes bottes de merde ! Car tes grosses miches de dentouse dans ce bus, tu as l'armée maintenant ! Cette place est prise. À première vue, j'ai eu l'impression d'avoir fait une erreur à voir comment se passait mon premier jour d'incorporation. Je me faisais déjà gauler dessus. Assieds-toi là, si tu veux. Je savais pas qui je pouvais rencontrer ou ce qu'on allait me demander. Tu es déjà monté sur un crevettier ? Non, mais je suis monté sur plein d'autres arbres. Je te parle d'un bateau pour pêcher la crevette. J'ai bossé sur des crevettiers toute ma vie. J'ai commencé sur le bateau de mon oncle, c'est le frère de ma mère, quand j'avais à peine 9 ans. J'étais juste en train de me chercher un bateau à m'acheter quand j'ai été appelé. Mon nom de baptême, c'est Benjamin Buford Blue. Mais tout le monde m'appelle Booba. C'est un nom qu'on donne aux pauvres. Tu te rends compte ? Je m'appelle Forrest Gump. Tout le monde m'appelle Forrest Gump. Alors Booba était de Bayou Labatré en Alabama et sa maman faisait cuire les crevettes. Et la maman de sa maman aussi. Ainsi que la maman de la maman de sa maman. La famille de Booba savait tout ce qu'il y avait à savoir sur le commerce de la crevette. Je sais tout ce qu'il y a à savoir sur le commerce de la crevette. À vrai dire, je vais être dans le commerce de la crevette moi-même. Dès ma sortie de l'armée. D'accord. Gump ! Quel est ton seul et unique but dans cette armée ? Faire tout ce que vous me demandez, sergent instructeur ! Putain de merde, Gump ! T'es un putain de génie! C'est la plus extraordinaire réponse que j'ai jamais entendue! Tu dois avoir un putain de merde de QI d'au moins 160! T'es un putain de merde de deuxième classe, d'où est Gump? Écoutez-moi, les mecs! Je sais pas pourquoi, je me suis trouvé à l'armée comme un poisson dans l'eau. C'est pas très difficile. Voilà, c'est pas très difficile d'être à l'armée. Alors évidemment, ce film ne peut se voir qu'en réaction ou en complément à un autre film Full Metal Jacket, évidemment, où ce personnage de celui qui est le sergent qui hurle sur ses nouvelles recrues est d'une certaine façon pris de biais par Forrest Gump, puisqu'il est plus drôle, en l'occurrence, dans Forrest Gump que dans Full Metal Jacket. Oui, c'est un film de Robert Zemeckis qui est ultra référencé. Et évidemment, ça montre bien aussi que dans les années 90, représenter la guerre du Vietnam, c'est forcément faire référence à tout un tas de films. D'autres images. D'autres images, et en particulier d'autres images de fiction, qui sont venues se surimposer et finalement faire oublier la réalité de la guerre en y mettant un discours. Alors pour Full Metal Jacket, enfin il y a aussi des histoires de virilité très nettes dans ce film, et que Suzanne Jeffords a très très bien montré ça. Pour Forrest Gump, c'est pour moi, vous parliez de la fête du cinéma en 94, Anaïs, moi pour moi c'est un film très important aussi, puisque c'est le premier que je suis allée voir en salle aux États-Unis, et évidemment sans vraiment comprendre ce que je voyais à l'époque. Mais c'est un film qui redit l'histoire américaine du XXe siècle avec ce parti pris quand même extrêmement dérangeant qui est que si on est stupide finalement, on va s'en sortir et on va devenir un héros multimilliardaire, etc. Alors que si on se met à réfléchir sur la société, à critiquer le monde dans lequel on est, c'est le cas de Jenny, donc l'amour de Forrest Gump joué par Robin Wright dans le film, eh bien on va finir malade du sida dans les années 80. Jenny qui a frayé avec les militants pacifistes contre la guerre du Vietnam. Qui, donc là, on est vraiment contre la guerre du Vietnam. C'est l'exemple d'un processus de punition finalement de cette femme qui a osé s'affronter à l'unité américaine. Oui, et puis finalement, si on est une femme et qu'on commence à frayer avec le féminisme, la libération sexuelle, etc., oui, on est puni à la fin, alors que si on fait, comme Forrest le dit dans cet extrait, exactement ce que l'autorité dit, eh bien, on va s'en sortir, puisque grâce à cette expérience du Vietnam, Forrest, qui savait pas trop quoi faire de sa vie, va devenir successivement champion du monde de ping-pong et aller en Chine, puis devenir roi de la crevette grâce à tout ce que lui a raconté Booba, faire des affaires et puis enfin il va acheter des actions Apple au début, à la fin des années 70 ou au début des années 80 et devenir l'incarnation du rêve américain. C'est quand même une relecture de l'histoire au second américaine, degré, mais oui. Au second degré bien sûr, mais qui mérite question et qui mérite analyse. Et c'est vrai, quand je montre ce film à mes étudiants, ils adorent ce film. Quand je leur montre ce que ça veut dire de l'histoire des États-Unis, il vaut mieux être une sorte de somnambule de l'histoire américaine plutôt que quelqu'un d'éveillé vis-à-vis justement des critiques que l'on peut porter sur la politique américaine. Alors, à propos de ces femmes qui sont présentes soit dans les films, soit dans les séries et qui parfois révèlent quelque chose, il y a une femme qui s'appelait Lily Rush dans les séries, à savoir dans la série Cold Case. Étoile dans les yeux d'Emmanuel Laurent. Évidemment, voilà. À cette évocation. Lily Rush, donc dans Affaires classées, Cold Case, une série assez formidable qui raconte comment on peut traiter à distance de l'histoire traumatique des États-Unis. Il y a dans cette série à la fois des meurtres racistes dans les années 20 dans le sud des États-Unis et donc la question du racisme. Tous les traumas de l'histoire tous américaine. Tous les traumas de l'histoire américaine y sont présents. C'est une série un petit peu dépressive. Voilà. Et évidemment, il ne pouvait pas y avoir, on ne pouvait pas manquer de traiter la question du Vietnam dans cette série. Un extrait. Ned, tu veux bien apporter les chips au salon? J'ai les mains pleines de farine. Maman, j'ai dessiné l'avion de papa avec exactement les mêmes décorations sur les ailes. Tu vois là? Oui, je vois. C'est parce que t'as dit qu'il pilotait plus, alors comme ça, au moins, ça lui fera un souvenir. Maman, est-ce que tu peux commencer à servir des crevettes? Vous êtes qui, vous? Et toi, qui es-tu? Moi, je suis Ned. Bien, je suis ton père, Ned. Tu lui ressembles pas? J'ai sa photo. Oh, je crois que je suis beaucoup plus beau maintenant que je ne l'étais. Me voilà. Je me souviens de vous. Bonjour. J'ai fait ça. C'est pour toi. C'est des bracelets avec ton nom dessus. On en portait tous quand tu étais au Vietnam. Je pleure pas, les grands garçons, papa. Je pleure parce que cette boîte a dû coûter très cher à ta mère. Non, c'est moi qui l'ai faite. Ah oui? Viens là. Donc un extrait de la série Cold Case, affaire classée. Vous nous racontez cette histoire, Anaïs? Cette saison 3, épisode 8 exactement. Alors ce père qu'on vient de rencontrer qui arrive, cette scène d'ouverture de l'épisode. Donc c'est le retour d'un prisonnier de guerre qui revient très abîmé physiquement et qui va être assassiné très vite. Dans le début de cet épisode. Et cet épisode est très chargé, finalement, puisqu'il se saisit à la fois du retour compliqué de ces prisonniers de guerre traumatisés, abîmés par la guerre, mais également du trauma subi par toute la société américaine, par tout l'arrière. À la fois la mère de famille, l'épouse de ce soldat, qui n'arrivera jamais à retrouver son mari et sera alcoolique toute sa vie, le fils d'un co-détenu de ce soldat-là, qui finira par tuer le soldat que nous venons de rencontrer, comme tuant symboliquement une deuxième fois son père qui l'a abandonné puisqu'il n'est jamais revenu de cette guerre. Et une troisième figure très intéressante d'un homme auquel on a refusé son incorporation pour des raisons psychiatriques et qui fait croire, hein, malgré tout, à tous ceux qu'il rencontre et notamment au fils du soldat dont on parlait au début, qui lui fait croire que lui-même est un vétéran. Oui, Marjolaine Boutet, vous connaissez très bien cette série puisque vous avez écrit sur elle, Cold Case, et cet épisode en particulier. Oui, mais j'ai consacré un ouvrage paru chez PUF en 2013 à cette série parce que pour moi, Cold Case est une série qui met en scène la méthode historique de façon très populaire et très très compréhensible par le grand public, parce que c'est une série donc policière un peu particulière dans la mesure où ça commence effectivement par un meurtre, mais ce que va chercher à faire Lily Rush, c'est pas tant trouver le coupable que de redonner vie à la victime. Et c'est vraiment la victime qui est le personnage central de l'épisode, auquel on remet, grâce à un travail dans les archives, grâce à l'interrogation de témoins, grâce auquel on redonne toutes ces dimensions. Et c'est une série aussi qui s'inscrit pareil dans le récit national américain, dans la mesure où l'idée c'est que il y a eu des erreurs dans le passé, la société américaine n'était pas parfaite, mais nous aujourd'hui, grâce à notre compréhension et grâce à notre plus grande tolérance, on peut comprendre et on peut rétablir la vérité. Avec deux particularités à cette série Cold Case, sa bande-son qui est toujours absolument remarquable, et puis la réapparition sous le personnage d'aujourd'hui, du personnage d'antan, de la période justement du meurtre à élucider. S'il est encore vivant. Mais même lorsqu'il est mort, on le voit réapparaître généralement dans le générique de fin, où d'une certaine façon, Lily Rush lui donne sa bénédiction. Donc, il lui permet de se réintégrer dans la communauté des Américains, alors qu'il a été assassiné ou elle a été assassinée, cette figure-là, et qu'elle a brisé le code américain, pourrait-on dire, Marjolaine Boutet. Oui, c'est aussi une série sur le deuil, la réconciliation. Anaïs, vous l'avez trouvée dépressive. Moi, je trouve que c'est une série qui soigne aussi, quand même, de tous ces deuils et toutes ces émotions par lesquelles on nous fait passer. Mais pour revenir à cet épisode en particulier, ce qu'on entend dans l'extrait, donc on entend Rocketman d'Elton John, et ce qui est toujours passionnant dans cette série, c'est que la musique commente la scène qui se passe. Et ce qu'on voit, c'est le retour d'un héros de guerre, enfin de ce qui est perçu par les gens qui l'attendent comme un héros. Lui, il est brisé, comme enfin ce personnage dont parle Elton John dans la chanson. Et il y a ce décalage entre l'image du héros qui fait rêver les petits garçons et ce qu'il est réellement. Et évidemment, c'est tout ce décalage entre celui dont on attend le retour et celui qu'il est réellement qui va faire que va aboutir à sa mort tragique. Oui, alors vous avez travaillé sur ces séries américaines et vous publiez très bientôt un autre livre aux éditions de La Martinière sur un autre phénomène, pourrait-on dire, de série qui raconte la guerre, un village français. Qu'est-ce que vous faites comme différence ou qu'est-ce que vous faites comme rapprochement entre ce que vous disiez, c'est-à-dire des séries qui sont d'une certaine façon des séries de soins de la communauté nationale, donc d'un côté aux États-Unis, et le village français qui aussi a provoqué un débat dans les familles, a refait surgir pour les grands-parents des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Je crois que c'est très intéressant avec les séries par rapport au cinéma, c'est que les séries ont pour elles, ce que l'historien adore, c'est le temps long. Ouais. C'est-à-dire que Un village français, moi, m'a particulièrement intéressée parce que c'est un récit de l'occupation, donc en 72 épisodes, donc on va de 40 à 45, puis les épisodes à venir vont traiter de la question de la mémoire de la guerre du Vietnam, de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il y a peut-être ensuite un détail quand même majeur qu'on n'a pas du tout abordé à propos de la guerre du Vietnam, c'est que tous les ennemis sont là dans Un village français. Les collaborateurs sont mis en scène. Oui. La Wehrmacht est là, la SS est là, alors qu'elle n'a pas grand-chose à y faire d'ailleurs, la Gestapo, alors etc. que la guerre du Vietnam, pour les Américains, est une guerre américaine. Okay. Et c'est en ça que le documentaire de Ken Burns, qui est diffusé en ce moment sur Arte, est particulièrement intéressant, c'est qu'il donne enfin la parole à égalité aux Américains, aux Vietnamiens. Vietnamiens du Sud et du Nord. Ouais. Et alors que jusque-là, les Vietnamiens n'existent pas, ils font partie du décor, c'est comme les Indiens des Westerns. Voilà. Bon, pour revenir donc à Un village français, je termine avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est la Seconde Guerre mondiale sans héros. Il n'y a pas de figure identifiée, il n'y a pas de ces grands héros qu'on a mis au Panthéon et qui font les joies des manuels scolaires. Ce sont des personnages tous fictifs, mais qui sont aussi tous, ni blancs ni noirs, qui ont fait des choses formidables et des choses terribles pendant ces années d'occupation, parce que l'occupation est une situation terrible. Et ce que permettent les séries par rapport au cinéma, il me semble, c'est ce temps long et c'est ce retour à l'intime et c'est ce... ce récit en demi-teinte. Ce récit d'homme à homme, voilà. Et on n'est pas... À hauteur d'homme. Et on n'est pas dans la... dans la salle de cinéma, plongée dans le noir, etc., à regarder un grand écran. Et là, on pense à Godard qui disait que le cinéma, c'était regarder en l'air, alors que regarder la télévision, c'était regarder vers le bas. Oui, mais c'est bien aussi. Godard disait aussi que les enfants étaient les prisonniers politiques de leurs parents. Voilà, cette émission, comme toutes les autres, est préparée par Aurélie Marcet et Francesca Fossati. Dof Arguiride était à la technique avec nous, au droit d'auteur Elisabeth Gornescotto et à la réalisation Renaud Dalmar, qui s'est régalé avec les Stones. Et demain, on termine cette série sur la guerre du Vietnam en nous interrogeant sur les héritages stratégiques, c'est ça ? Les héritages stratégiques, c'est-à-dire toutes les erreurs ou tous les enseignements qu'on a pu tirer par la suite de cette guerre du Vietnam.